Abu Bakr conduit les pèlerins à la Mecque. Au mois de Dhul-Qi'da ou de Dhul-Hijja de la même année, la 9e année de l'Hégire, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, désigna Abu Bakr le véridique, radiyallahu anhu, comme responsable du pèlerinage. Peu après le départ des musulmans, Allah fit descendre une révélation. Il s'agissait des versets qui devaient constituer le début de la sourate 9, intitulée « Le repentir ». Allah y proclame que les musulmans sont libres de toute obligation envers les tribus idolâtres qui n'avaient fait preuve d'aucun respect envers les traités conclus avec le prophète, alayhi salatu wassalam. La communication de cette nouvelle s'inscrivait dans la lignée de la tradition arabe qui consistait à rendre public tout changement relatif au rejet des pactes concernant les affaires du sang ainsi que les affaires matérielles. Ali ibn Abi Talib fut mandaté pour notifier cette déclaration. Il rattrapa Abu Bakr à Al-Araj ou à Dajnan. Abu Bakr lui demanda si le prophète, alayhi salatu wassalam, l'avait envoyé pour prendre le commandement. Mais Ali lui dit qu'il se plaçait sous ses ordres. Abu Bakr dirigea les rites du pèlerinage. Le jour du sacrifice rituel, Ali se tint à Al-Jamra, endroit où s'effectue la lapidation de Satan, dans la vallée de Mina, et il déclara à voix haute aux foules qui s'étaient rassemblées autour de lui que les pactes contractés avec les idolâtres hostiles étaient rompus et que ces derniers disposaient de 4 mois de répit. Ce délai passé, s'ils n'embrassaient pas l'islam, la guerre leur serait déclarée. Les autres idolâtres avec lesquels les musulmans avaient signé un traité qui n'avait pas nui aux croyants ni soutenu quiconque contre eux verraient les termes de ces traités rester valides jusqu'à la date d'expiration de ces derniers. Quant à ceux qui n'étaient liés aux musulmans par aucun pacte, ils disposaient eux aussi d'une période de 4 mois de répit et de réflexion. Abu Bakr envoya alors quelques musulmans déclarer qu'aucun incroyant ne serait plus désormais autorisé à effectuer le pèlerinage et que personne ne pourrait accomplir dévêtu le tawaf autour de la Kaaba. Cette proclamation équivalait à un désaveu de tous les aspects du paganisme véhiculé dans la péninsule arabique, établissant ainsi sans équivoque la proscription définitive de ces pratiques pré-islamiques.